Nous sommes le 8 février 2021, bienvenue sur Balade au Roller, le podcast sur le roller en français le plus écouté. Donc je suis Philippe, l'hôte de ce podcast, et nous allons parler du dernier épisode de Derby Girl, disponible gratuitement en streaming sur la plateforme France.tv. Pour ce dernier podcast sur cette première saison de Derby Girl, je suis toujours en compagnie de Priscilla. Salut Philippe. Salut Prissy. Et c'est pas tout pour ce dernier épisode, donc on vous a réservé une petite surprise. Nous avons une invitée, c'est Cynthia Leloir-Plisson. Donc vous la connaissez peut-être plus sous le pseudonyme des Sister Ice. Et c'est elle qui double Lola lors de son accel sur le track pendant le match contre les Black Werewolves. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Cynthia. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, je suis une patineuse de roller inline, voilà, en compétition. Donc, je suis deux fois vice-championne de France de roller inline. Je fais avec ma sœur en parallèle des shows de roller, donc roller inline, roller quad également, parce que ça se développe pas mal, justement, la série Derby étant quad. Mais voilà, le roller quad, ça plaît beaucoup, donc on fait pas mal de shows ensemble. On se produit sur des prestations différentes. Ça peut être des tournages de clips, des séries, des shootings pour des magazines, tout ça. Voilà, on aime bien tout ce qui est lié à l'univers sport, roller inline, roller quad. Et nous, notre origine, c'est on est des patineuses de glace et petit à petit, on est venu au roller et on est aujourd'hui à 100% dans le roller et on est à fond et passionné par tout ce qui touche le roller, d'où ma présence dans le dernier épisode de Derby Girl. D'accord. Et ben justement, tu peux nous expliquer comment tu es arrivée sur cette série? En fait, c'est quelqu'un de la production... c'est une copine à moi qui m'avait donné le numéro de la production, ou c'est la production qui m'avait contactée. Alors, je m'en rappelle plus exactement parce que là, ça va faire presque 2 ans qu'on a fait le tournage. Mais voilà, je suis entrée rapidement en contact avec la production. Au début, en fait, il m'avait contactée pour que je fasse des scènes sur la glace. Il me semble que c'était à la patinoire de Bercy, donc je devais doubler sur, ça devait être Lola, la patineuse principale, hein, Chloé Joannet. Je devais la doubler sur la glace sûrement et ça s'est pas fait. Donc moi, vu que c'était en période de compétition, j'étais en même temps en train de préparer les championnats de France de roller inline qui avaient lieu à Gujan, donc j'étais concentrée sur ma compétition. Ça s'était pas fait en glace, donc j'avais mis le projet de côté. Et quelques jours après, la production est revenue vers moi. Et m'a demandé, sachant que je m'étais présentée en tant que patineuse de glace et de roller, c'est pratique d'avoir cette polyvalence entre les rollers et les patins. M'avait demandé si je pouvais doubler la patineuse sur son axel en roller. Donc il m'avait d'abord demandé cette prestation en roller quad. Donc moi j'ai dit que je ne faisais pas de saut en quad, en tout cas à l'époque. Oui voilà, parce que ta discipline reste quand même l'inline, pas le quad artistique. Donc, mais je leur ai dit que je pouvais parfaitement la doubler en roller inline et que après c'était à eux de pouvoir mixer ça à l'image pour pas que ça se voit. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le tournage. Ils m'ont contactée premièrement sur la glace, ça l'a pas fait. Après, je m'arrive au roller. Du quad, j'ai dit que je pouvais faire leur scène en inline, qu'il n'y avait pas de souci, j'étais disponible. Donc peu de temps après les championnats de France, quelques jours après les championnats de France, j'étais sur le tournage du dernier épisode de Derby Girl. D'accord. Et tu avais un petit peu lu les épisodes, les scripts ou pas? J'ai pas eu connaissance du projet dans la globalité. Au début, je comprenais pas l'histoire. Je comprenais pas qu'elle passait de la glace au roller. J'avais pas compris l'élément déclencheur. J'avais pas. En fait, quand on vous contacte pour une. C'est souvent tout ce qui est visuel, quand on vous contacte pour un projet, on ne vous donne pas tous les détails du projet. Donc je n'ai pas posé précisément de questions, puisqu'au début, ça ne devait pas se faire avec moi, sur la glace. Mais non, en fait, j'ai eu plus d'infos quand j'étais sur place. On a dû me donner l'ensemble de la série, mais vraiment, vraiment pas plus. Après, quand c'est des tournages, c'est quand même privé, les informations sont contrôlées. Même la plupart du temps, on peut pas faire vraiment de. Enfin, les photos sont interdites, les stories Instagram, c'est interdit, tout ça. Donc moins d'infos circulent, mieux c'est. Mais j'avais pas eu beaucoup d'infos. Voilà. Ok. Et depuis, t'as pu regarder la série? T'as bien aimé? Oui, alors après, moi j'ai un avis un peu tout ce qui va être comme d'autres séries avec le parallèle de Spinning Out qui était sur une série sur le patinage sur glace sur Netflix ou dans d'autres films comme ça. Je me méfie un peu comment va être mis en avant ou pas mon sport qui est si cher à mon cœur. Voilà, donc voilà, ça peut être à double tranchant, ça peut être bien amené, mal amené, mais voilà, moi j'ai toujours, quand je regarde ça, j'ai toujours mon œil de patineuse professionnelle, de compétitrice, ce qui ne sera pas forcément le cas des gens qui vont regarder la série, donc ça peut être parfaitement cohérent, plausible, agréable pour quelqu'un qui n'est pas du milieu. Mais voilà, quand on est comme moi ou comme Priscilla dans le milieu, on va s'attarder à d'autres choses, peut-être des choses que en réalisation en amont, peut-être qui n'ont pas ou qui cherchent pas peut-être à creuser parce que c'est pas nous, nous ne sommes pas le cœur du public, je pense pas la cible principale. Ouais. Mais voilà, donc quand je regarde un film sur le patinage ou une série, je me dis ah comment ça va être amené, est-ce qu'on va nous peindre bien, pas bien, ça me fait toujours un peu peur et à la limite, je préfère que ce type de sujet, enfin un autre sport quand il est amené à l'écran, limite je préfère qu'il soit amené au deuxième degré plutôt qu'on essaye de faire comme j'ai vu il y a pas longtemps des sortes de biopics où on essaye de raconter des histoires sur un entraîneur qu'on colle au plus proche parce que de toute façon on n'est pas encore voilà on n'est pas vraiment dans la réalité c'est donc bon voilà C'est vrai. faut vraiment le prendre avec du recul et voilà. Mais en tout cas, c'était une super expérience que d'être sur ce tournage. Et ce qui est bien, notamment, c'est qu'en fait, le roller, ces derniers temps, j'ai constaté que c'était remis en avant beaucoup, beaucoup à la télé, beaucoup dans des projets différents. Et c'est super, avec ce qui s'est passé dans la glace, notamment, médiatiquement. C'est super qu'une série puisse quand même mettre en avant notre sport. Et ça, je félicite toujours, c'est vraiment top. Là, en une série, on met en avant le patinage, et le roller, qui sont quand même liés. Donc, c'est du roller derby. Mais voilà, ça permet ça, c'est un coup de com', une pub pour des sports qui en ont besoin et qui ne peuvent pas être toujours à l'écran. Alors juste pour, il y a des auditeurs qui vont écouter cet épisode dans 3 ans. Est-ce que tu peux redire médiatiquement, actuellement, qu'est-ce qui se passe très rapidement dans le patinage? Bah en fait médiatiquement ce qui s'est passé c'est que bah on a eu le dossier au niveau du patinage artistique sur glace pardon Sarah Abitbol qui était mis à jour voilà notamment un dirigeant de la FFRS qui a eu des attouchements sur elle voilà sur elle et du coup c'est elle le raconte dans un livre, ça, elle a été très médiatisée. Bon, il y a eu beaucoup de communication là-dessus et ça a Ce qui a entraîné. déclenché une série en fait d'autres personnes qui disent qu'effectivement dans le patinage il y a beaucoup de d'attouchements ou autres ou plus sur les patineuses, grosso modo. Bah, c'est alors plus dans le patinage que dans d'autres sports, je ne saurais pas dire. Je pense qu'à tout niveau, on est touché et puis bon, il n'y a pas que dans le sport, hein. Mais après ça c'est d'autres questions Voilà, mais mais en gros, enfin là on est effectivement dans notre, dans, enfin il y a quelques semaines ou mois, effectivement c'est, il y a eu un battage médiatique sur le balance ton entre guillemets, le hashtag balance ton truc, et notamment dans le monde du patinage. Enfin voilà, c'était juste pour remettre ça parce que les gens vont pouvoir l'écouter voilà la dans petite 4 ans cet parenthèse. épisode, donc faut bien resituer, Voilà, voilà donc où on en est. après cet événement qui a touché tous les clubs, toutes les patinoires, où c'était un peu la chasse aux sorcières, moi, à chaque fois qu'on me disait « Ah, tu fais du patinage », suivant ce dossier-là, on me parlait tout de suite, les gens qui connaissaient pas le patin ou qui s'y intéressaient pas, me parlaient directement de l'affaire Sarah Abitbol. Et j'avais pas forcément envie que mon sport soit associé à ça ou que mes entraîneurs soient associés à ça, puisque c'est pas pareil pour tout le monde. Donc voilà, le fait qu'on mette le patinage sur glace et le roller, peu importe, un quad inline en avant à la télé et du côté positif, c'est une super com et on en a besoin et même les clubs en ont besoin et ça permet à des gens, enfants comme adultes, de découvrir des nouvelles passions et c'est vraiment super. Tout est bon à prendre pour parler de notre sport. Ouais, bah il faut. C'est vrai que les séries, en fait, notamment aux États-Unis, mais en France, c'est la même chose. Je me souviens dans les années 90, il y a eu la série Urgence qui a fait exploser les demandes d'entrée en première année de médecine, et la série Ally McBeal qui a aussi fait exploser les demandes Les d'entrée avocats. en première année de droit. Ouais. C'est pareil, dès qu'on a des médaillés olympiques dans une Oui. discipline, voilà, cette discipline, à la rentrée, les clubs sont pleins, quoi. Il y a une forte demande, donc c'est très très important quand même. Tout à fait, ouais. Et sinon, donc, est-ce que tu connaissais le roller derby? Oui. T'en as déjà pratiqué? Non, mais alors j'en ai jamais pratiqué. Voilà, après, j'aimerais bien essayer, ça me plairait parce que moi je suis assez casse-cou. J'aime la vitesse, j'aime les coups, j'aime rentrer, j'aime l'action, voilà, j'aime l'adrénaline. Mais j'ai une copine qui, alors je connais pas bien les divisions, les groupes, etc. Mais j'ai une copine, bah justement, après avoir tourné la série Derby Girl, puisqu'elle m'avait parlé de ça et tout, je suis allée la voir un match dans le gymnase Paris 15e. Je suis allée la voir à un match de derby. Donc, même moi aussi, qui m'intéressais pas au derby, bah, finalement, ça m'a donné envie d'aller voir un vrai match de derby. Bon, en plus, elle a gagné son match, donc c'était super. Est-ce que tu te souviens du nom de son équipe? Non. Non, je pourrais le retrouver, vous le donner après, mais je m'en souviens plus. Mais je suis repartie avec plein de petits pins et des trucs super fun. Genre, j'ai acheté un pin Save My Ass, enfin plein de trucs marrants. Il y a toujours, en fait, ce qui est bien dans le roller derby, c'est qu'il y a des noms d'équipes, c'est originaux. Il y a des designs, des t-shirts et tout. On a envie de tous les goodies là, comme ça, on a envie de les acheter, de se les approprier. C'est super fun. On a un peu de duesse avec nous quand on va dans l'ambiance, dans tout ça. Donc voilà, c'est top. Ah bah tiens, en parlant de goodies, j'ai Céline, justement, donc ma copine, qui a fait un jeu de toc. Je sais pas si vous connaissez le jeu de toc. Elle a fait un plateau de jeu du toc en style roller derby, et elle a pris les équipes De des Derby Girl. derby qui étaient, ouais, des derby girls, enfin qui étaient sur les équipes de Nantes, en fait. Elle a pris parce qu'on habite Ah, c'est Nantes. rigolo. Ouais, et elle a mis des noms comme ça un peu partout. Donc il est super, son plateau. Il est enfin voilà. Après il faut l'imprimer, et puis tout ça pour jouer au toc, mais c'est sympa, quoi. Ah, mais si vous voyez une photo ou comment faut faire pour télécharger les trucs, jouer, moi je veux bien me lancer, hein. Ouais, bah je te filerai elles sont, enfin c'est pas disponible sur le net, mais on t'enverra le lien personnellement. Et si les gens sont intéressés, envoyez-moi, mettez en commentaire, et je vous mettrai à disposition le plateau qu'a fait Céline, qui est très très bien. Enfin moi je le trouve bien fait pour quelqu'un qui connaît rien en dessin ni autre. Donc pas pour moi, quoi. Voilà, pas pour toi. Non, mais c'est du graphisme, c'est du design ou du graphisme, ou c'est pas du dessin en tout cas. OK. Bon, bref. On va commencer à enfin aborder le vif du sujet. Donc, Ouais. c'est surtout Priscilla et moi qui allons parler, mais Cynthia, n'hésite pas à rebondir à ce qu'on va dire. Voilà, D'accord. interviens Ouais, quand tu as interviendra. envie. Ou qu'on discute D'accord. un peu plus. Eh ben, Priscilla, je te laisse commencer. Allez, c'est parti. Donc, c'est un épisode, donc notre dernier épisode qui s'appelle Les Licornes, hein, et qui fait référence tout de suite au nom de l'équipe des Cannibales Licornes, donc notre équipe préférée depuis le début de l'épisode et de la série. Ah, moi je préfère les Black Weirdos. Ah oui, c'est vrai, non, moi j'aime bien les licornes. C'est le côté féminin rose de Lola, hein, qui ressort, hein, dans cette équipe. Donc on a un épisode qui est tout en tension et qui est censé clore le fil rouge du début. Donc d'une part, Lola, qui est toujours en conflit avec elle-même et son passé, et d'autre part, l'équipe des Cannibales Licornes, qui devient enfin une équipe à ce moment-là, qui se retrouve à jouer le match de l'année contre leurs ennemis de toujours, les Black Weirdos, qui sont, on le rappelle, 3 fois championne de France élite en roller derby. Donc, on le rappelle quand même, notre équipe des Cannibales Licornes, qui vient tout juste d'être formée, hein, c'est pas leur premier match, mais pas loin. C'est exactement, La moitié de l'équipe a passé ses minimum skills en début de, j'allais dire en début d'année, mais juste en trois juste, mois. En trois mois, oui, les trois premiers mois. Et il y en a une, ça va être ses premiers. Enfin bon, Shkomun, c'est son troisième match qu'elle fera la finale. C'est voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est le côté un petit peu incohérent de la série que voilà, qui est un peu surréaliste, hein, mais bon, tout est un peu surréaliste dans cette série en même temps. Oui. Donc bon, on s'attendait quand même à ce qu'elle joue contre leurs ennemis, hein, sinon la série n'a plus de sens. Tout à fait. Et puis, alors, ce que j'aime bien dans les films comme ça, c'est que elles se rencontrent en finale. Ça, c'est pas le quart ou la demi, c'est toujours, elles sont dans des tableaux opposés, voilà. C'est en finale. Mais c'est bon, c'est pareil partout. Hein, donc, voilà. Ouais. Alors, l'épisode commence par un retour dans les souvenirs de Lola. On la voit qui veut aller à une fête chez une amie et sa mère qui l'en prive. Donc là, on voit tout à fait, en fait, qu'elle a jamais eu d'enfance et que sa jeunesse n'est que sacrifice et le tout orchestré par sa mère. Bah, c'est là où, Cynthia, on voulait te poser la question. En fait, toi, je crois que ton entraîneur étant enfant et voire même toujours, c'est ta mère, non? Oui, c'est ça. Alors, comment se passent les relations avec ta mère? Bah, très bien. Voilà. Après, moi, j'ai fait le sport études très tôt. J'ai été déscolarisée à la moitié du CE1 pour faire le CNED. Mon sport était ma priorité. Au haut niveau, le sport passe en premier et les cours après. Donc voilà, j'ai un bac ES, mon diplôme, une licence. Enfin, ça n'empêche pas de faire l'école à la maison, ça n'empêche pas après de faire des études, hein, bien entendu. Non, après, on a eu des petites tensions sur la glace parce que j'ai mon petit caractère aussi à l'âge ado, mais en dehors de la glace, non, très bien. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maman et qui est entraîneur veut toujours le bien pour son enfant et encore plus quand on est sur la glace. Elle est honnête, elle fait des choses à fond alors que certains entraîneurs pourraient s'en ficher. Si une élève ne fait pas ou réussit pas, il s'en fiche. Là, elle est touchée directement, donc elle est encore plus à fond. Plus c'est à la fois motivant et stressant, mais bon. Pour arriver à être capable de comprendre très tôt que voilà, c'est pour son bien et que ça va nous permettre d'évoluer et de nous apprendre plein de belles choses par la suite et sur le moment et dans la vie. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est où était mis le curseur entre le sport et le reste de ta vie et qui plaçait le curseur. Est-ce que c'était ta mère qui disait « entraîne-toi plus » ou si c'était ta mère qui te disait « entraîne-toi moins et profite de ta jeunesse ». J'ai fait un mix en fait. Ma mère, elle a été donc athlète de haut niveau. J'ai fait le même cursus qu'elle quelque part. Elle a été athlète de haut niveau. Elle faisait le CNED, déscolarisée. Elle avait des très bons résultats, très bons profs. Voilà, donc elle s'entraînait. Elle était en priorité sur l'entraînement. Moi j'étais jeune, on m'a déscolarisée en CE1, je sais plus quel âge j'avais en CE1, mais l'avantage c'est que j'ai toujours eu en fait une vie normale, je faisais juste mon sport plus que les autres, j'avais une vie parfaitement normale, j'avais mes copines, j'avais plus de copains parce qu'en fait les filles sont jalouses rapidement, donc plus de copains quand même aujourd'hui encore plus de copains. Mais j'avais une vie tout à fait normale, hein. Je faisais mes sorties, voilà, dans la mesure du raisonnable, hein, bien sûr. Mais non, j'ai, au contraire, en plus le fait de faire le sport et études, j'avais une liberté absolue puisque moi je partais faire des stages aux États-Unis avec l'entraîneur de Michel Kwan, Franck Carroll. J'ai rencontré Elena Cherkassaya qui était une danseuse du Bolshoï. J'ai eu que des profs champions olympiques, j'ai eu Zaïsef, Rodina, Docteur Pirouette, enfin des pointures. Donc voilà, j'avais une vie très riche, très tôt, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, aussi du stress, hein, bien sûr, on va pas le nier. Mais voilà, et honnêtement, si j'avais à choisir, je voudrais refaire la même chose. Voilà, je vais refaire la même chose. J'ai pas du tout envie d'aller. Même ma sœur, d'ailleurs, ma sœur, elle a fait pire que moi. Elle est jamais allée à l'école de sa vie. Elle a jamais mis les pieds dans un établissement. Et pareil, elle voudrait pas connaître le parcours classique, puisque la plupart des les enfants, ils vont soit au patin à 6h du matin, donc autant dire que le corps, il n'est pas réveillé pour faire des performances. Ouais, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu, effectivement. Moi, je n'ai pas été déscolarisée et moi, il fallait que je gère tout. Il fallait que je gère l'école, les personnes à l'école. Et effectivement, bah voilà, moi, je patinais un peu comme toi. Je suis rentrée un peu à l'espoir à je sais plus, 8 ans, quelque chose comme ça, et en patinant 20 heures par semaine, mais en étant scolarisée en même temps. Donc, c'était le matin avant l'école, le soir après l'école, le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche. Donc, c'est lourd. C'est lourd, effectivement, quand tu as tout ça, un emploi du temps extrêmement chargé comme ça. Il y a un moment où j'ai dit stop, quoi. Effectivement. Oui. C'est typiquement français, parce que nous qui avons voyagé à l'étranger, moi j'avais plein de copines qui étaient toutes déscolarisées très tôt, leurs parents ils bossaient et en fait ce qu'il faut c'est être très tôt discipliné. Le CNED c'est très bien fait, l'école à la maison, alors les gens dans la situation aujourd'hui ils vont me dire que non mais c'est pas du tout la même chose, une maîtresse qui vous envoie des devoirs et le CNED c'est vraiment adapté, c'est parfait. Si vous m'écoutez et que vous avez la chance de faire le CNED sport études, faites-le sans réfléchir. Il faut être bien discipliné par contre, parce que c'est ça. Beaucoup moins d'heures de leçon, mais on apprend beaucoup plus vite. C'est pas adapté à tout le monde après, je pense, le CNED. Moi, je me serais mal vue faire le CNED, tu vois. Moi, j'ai pas pu me poser après, la question. Après, je dis ça parce que je suis prof, tu vois, et j'enseigne en public aussi. Donc, j'ai mon regard d'enseignant aussi et je pense que ça joue beaucoup. Hein, mais voilà. En tout cas, l'US, c'est très courant. Les filles, elles font l'école à la maison, elles font leur sport. Et d'ailleurs, ça se ressent au niveau des résultats hein, quand on regarde les Russes, les Asiatiques, les Américaines. Vu qu'elles ont des emplois du temps aménagés. Et moi, je suivais beaucoup Tara Lipinski, qui faisait 3 sessions de 45 minutes sur glace, qui faisait l'école à la maison 4 heures par jour, qui faisait ses temps de sport, de danse et ses temps de copine. Tout était millimétré. Comme c'est produit dans plein de pays, aujourd'hui les Russes le font beaucoup. On arrive à des gamines qui très tôt font des quadruples, et nous en France, dès qu'on essaye de faire le sport études, on est marginalisé, on est mis de côté, on est montré du doigt, c'est mal perçu. Même au niveau de l'éducation nationale, c'est dur de négocier des créneaux pour aller s'entraîner. Donc là, il y a énormément de travail à faire. Parce que le sport, en tout cas le patinage, c'est vraiment un sport qu'on ne peut pas faire le matin tôt ou tard le soir. C'est un sport où il faut être réveillé. Moi, j'ai toujours pratiqué ce sport-là entre 10h et maximum 15h. C'est là où je pense que le corps il est plus performant. Et voilà. Mais bon, on a encore des progrès à faire en France. Hein. Mais il faudrait qu'on les fasse vite, parce que là, en glace, il y a du souci à se faire. Hein. C'est ça. Il y a un vrai problème de reconnaissance du sport en général en France à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a du mal à évoluer et en France, le sport est encore malheureusement considéré comme un loisir et non pas comme un vrai métier. Et ça, c'est bien dommage. Ouais. Non, le sport, c'est vraiment un vrai métier. Même, je m'en rends encore plus compte aujourd'hui. Tout ce qu'on produit avec ma sœur, c'est vraiment un travail. Qu'il faut faire à temps plein, parce qu'il n'y a pas que, même dans la série d'Herbie Girl, il n'y a pas seulement la production qu'on fait en roller, mais il y a tout ce qui est à côté, il y a la préparation physique, donc voilà. Mais bon, en France, on a un petit souci, c'est soit tu fais tes études, soit tu fais du sport, et on a l'image aussi du sportif qui est bête. Oui, c'est vrai. Alors que pas du tout, on peut allier les deux. Après, les études, on peut les faire toute sa vie, alors que le sport, on peut le faire uniquement quand on est jeune. Il y a des opportunités à saisir. Surtout le patinage. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est toute une mentalité qu'on n'a pas. J'espère qu'on va évoluer et que le podcast d'aujourd'hui va permettre aux gens de se rendre compte de ça. Ah oui, après, ce sont des choix politiques et c'est pas toujours évident, effectivement, de faire évoluer les mentalités. Alors, on va continuer avec la scène d'après où Lola a enfin sa discussion avec sa mère et bon, pour moi, elle a sa réponse. C'est qu'en fait, sa mère n'a jamais été sa mère, mais elle a toujours été sa coach. C'est ça. Mais au final, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que on n'est pas étonné de son attitude, hein, puisque Lola est marquée quand même tout au long des épisodes par l'attitude de sa mère, hein, en tant qu'entraîneur et non pas en tant que maman, en fait. Hein. Donc, même si, voilà, dans le fond, on espère que sa mère puisse changer dans ce dernier épisode, elle ne change pas. Donc, Lola fait une croix sur ce passage de sa vie et c'est terminé, quoi. Ouais. Alors, oui, en fait, c'est bête, elle est allée voir sa mère, elle savait déjà ce qu'elle allait trouver, parce que c'était évident que sa mère n'allait pas dire « Oh, je suis vraiment désolé de t'avoir volé ton enfance ». Enfin, c'était évident, sinon elle l'aurait fait plus tôt ou autre. Et c'est ça. Et voilà, mais bon, ça, elle avait besoin de se confronter, je pense, une dernière fois à sa mère. C'est ça. C'est ça en tant qu'adulte aussi, parce que au fur et à mesure des épisodes, elle s'est assumée en tant que femme et non plus en tant qu'enfant. Donc, c'est vrai que c'était important de rajouter cette scène-là, en tout cas dans cet épisode. Mmh. Alors ensuite, on a donc le match des Black Weirdos contre les Cannibal Licorne. Et on a une entrée épique des Black Weirdos, hein, sur de la musique épique, tout aussi épique que l'équipe. Et, et c'est très drôle parce que c'est contrasté par l'entrée des Cannibal Licorne qui n'ont pas de musique, elles, à ce moment-là. Et, ouais. Et donc, ça montre bien leur faible niveau de roller girl. Même le public, hein, n'est pas avec elles à ce moment-là. Effectivement, il n'y a que deux personnes qui applaudissent dans le public. Donc, c'est assez drôle. On ne sait même pas qui c'est. On ne sait même pas qui c'est, voilà. Et c'est encore... Et c'est encore ce truc, comme tu dis, avec la musique qui fait tout, en fait. C'est vrai que c'est énorme. Depuis le début dans tous les épisodes, depuis le début de la saison, il y a vraiment ce truc de avec musique, sans musique. Et ça marche encore très, très bien. Le jeu sur le son est quand même super important à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est drôle. Et sans oublier d'ailleurs Mika qui est remplaçant danseur improvisé, puisqu'elle à la base il vient juste voir Lola, mais du coup il le recrute en tant que danseur, en tant que pom-pom boy, et j'ai trouvé ça hyper drôle. Donc c'est vraiment le passage drôle du dernier épisode. On comprend enfin pourquoi il était habillé comme ça. C'est que depuis le début l'auteur avait dit ah oui, au dernier épisode il rencontrera des personnes habillées à peu près comme lui et ça passera. Pour en revenir, Cynthia, toi, est-ce que tu écoutes de la musique juste avant d'entrer sur la patinoire pour te mettre en condition avant une compétition? Ça dépend, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'écoute de la musique, je vais répéter mon programme au sol avec mon casque dans les oreilles, quoi. Voilà, la musique de mon programme en boucle, je vais répéter au sol, faire les mouvements, je vais m'imaginer réaliser mon programme avec et réussir mes éléments. Voilà, après, la plupart du temps, moi, je m'isole. Je fais un petit repérage des lieux, je m'isole pour m'échauffer, mettre dans ma bulle. Voilà, il y a des patineurs, ils vont mettre le casque direct de la musique et aller s'échauffer. Après, moi, pour ma part, le casque, ça peut rapidement pomper de l'énergie et énerver ou donner un mal de crâne. Donc, bon, pas si t'écoutes du Mozart ou du Tchaïkovski, mais voilà, t'es en forme, t'as tendance à vouloir écouter des musiques au taquet, donc tu bouges, tu perds de l'énergie. Et voilà, j'ai pas envie de perdre de l'énergie bêtement, de me fatiguer, de me déconcentrer. En général, je ne mets pas de musique, je m'isole et je mets vraiment la musique que pour répéter mon programme au sol. Mais en compétition, je suis toujours avec ma sœur, donc on va dire que la musique de fond, c'est ma sœur qui me parle. Oui, en général, vous vous échauffez ensemble, ouais. Ouais, on est toujours ensemble, donc voilà. Ok, vas-y, continue, Priscilla. Alors, Lola se retrouve face elle-même dans la scène suivante, symbolisée par la petite fille qu'on avait vue déjà tout début dans d'autres épisodes, hein, qui faisait du roller avec elle. À un moment, on aurait pu croire que c'était sa voisine ou je sais pas. Et en fait, non, c'est bien le symbole de Lola, en fait, qui se prend une droite. Enfin, c'est Lola qui se prend une droite par son symbole, hein. Par elle-même plus jeune, ouais. Par elle-même plus jeune, voilà, pour se reprendre en main et avancer, et donc faire ça en équipe. Donc là, on a la petite morale de l'histoire, hein, qui nous explique bien que un travail d'équipe, c'est utile à la vie et ça nous fait avancer, ça nous fait grandir. Donc c'est bien, c'est beau. on aime bien ce petit message. Ouais, c'est notamment Nelson Montfort qui le reprend dans l'épisode, je sais plus quand, mais enfin, il faut avancer ensemble. Oui, c'est tout à fait, ouais. C'est ça. Donc, toute la première mi-temps du match, les Cannibal Licorne sont sans Lola, puisque Lola, voilà, elle est en introspection totale, hein, elle n'est pas là, elle n'est pas présente au match. Donc, les Cannibal Licorne se font défoncer hein, par les Black Weirdos. Et c'est normal, puisqu'on sait que les Black Weirdos, sont l'équipe élite, trois fois championne de France. Donc, c'est plutôt cohérent. Et donc Lola n'arrive qu'à la deuxième partie du match. Alors, il faut savoir que normalement, dans un match de derby, il y a des contrôles techniques qui sont faits en début de match hein, sur tout l'équipement sportif, sur les joueuses, etc. Donc, en soi, Lola n'aurait pas eu le droit de rentrer comme ça au milieu du match. Hein. Oui, bon. C'est important de le préciser. Mais voilà. Elle est quand même là pour sauver la partie. Et donc... ce passage, cette scène est rythmée par des ralentis épiques, mais qui, je trouve, ne traduisent pas du tout la qualité d'un jeu de finale de championnat élite, très clairement. Oui. Et du coup, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Alors, effectivement, là, on voit vraiment des scènes de derby et qui sont beaucoup mieux filmées que dans les épisodes précédents. Ouais. Et c'est peut-être même le seul épisode où on voit vraiment des scènes de derby, où on comprend un petit peu ce qui se passe dans le match. Voilà. Donc voilà, c'est le vraiment, meilleur. On a, ouais. Enfin, plus ou moins un vrai scrimmage où on voit vraiment les départs des jammeuses, les passages de pack avec des blocages, du patinage un peu en vitesse. En tout cas, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait de la vitesse, mais c'est pas trop ça. Ouais. Et effectivement, bon. À un moment, je me suis arrêtée en regardant l'épisode et on a carrément pas de patinage en fait, puisque si on regarde bien, les ralentis sont tellement lents qu'on a plutôt un mannequin challenge. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était la mode il y a 3-4 ans de ça, où les gens s'arrêtaient sans bouger et on faisait tourner la caméra autour d'eux. Mais là, j'ai vraiment eu cette sensation en fait hein, où les joueuses ne patinaient même pas et la caméra bougeait toute seule. Donc il y a une scène justement qui est tournée comme ça et bon bah c'est moins bien fait. Mince que... quoi. Non, enfin voilà, c'est hyper décevant parce que un vrai match de derby, il y a vachement de vitesse, il y a vachement de mouvement, il y a vachement de jeu. Justement, quand on est spectateur extérieur, il y a des fois où on comprend rien de ce qui se passe, on voit même pas la jammeuse tellement ça bouge. Donc là effectivement, ben c'est dommage pour un épisode final qui n'ait pas eu plus de doublage au niveau des patineuses à ce niveau-là quoi. Ouais. Et donc en plein milieu de ce match, là, tout d'un coup, on voit Lola qui fait un Axel. Donc moi je trouve que déjà cet Axel, il a rien à faire ici. Il apporte rien du tout au match. Il apporte rien du tout à Lola. Sa mère n'est même pas là pour voir qu'elle arrive à faire un Axel maintenant, convenablement. Donc je ne comprends pas à quoi sert cet Axel dans la série. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Ouais, alors, c'est là que je trouve effectivement que quelque part il est mal placé, mais c'est en cohérence avec la série parce que c'était son petit problème à Lola hein, dès le début. Hein, ouais, sa compétition, voilà, elle avait raté son Axel, donc quelque part c'est sa petite revanche. Mais effectivement, alors. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui est très recherché en derby, pas l'Axel, je veux dire, mais sauter la ligne intérieure au moment de passer le pack. C'est-à-dire que la jammeuse part pour passer le premier pack et en général, dans le virage, sur la ligne intérieure de la piste, on saute cette ligne-là, on coupe le virage, en fait, sachant qu'on n'a pas le droit de couper avec les roues au sol. Si tu veux. Bien sûr. Mais on a le droit de sauter par-dessus les lignes. Donc, on a le droit de sauter par-dessus la piste, si tu veux, tant qu'aucune roue ne touche le sol. Donc, comme c'est un move très recherché dans le derby, mettre un Axel là, pourquoi pas, parce que c'est une façon, effectivement, de passer le pack, manière patineuse artistique. Donc, c'est intéressant. Et même si c'est une prise de risque qui est complètement surréaliste, hein, très clairement. Oui, oui, tout à fait. Mais ouais. Voilà, c'est la façon dont Lola va faire la paix avec le patinage artistique aussi et s'inscrit vraiment dans le derby. Après, techniquement, voilà, si elle avait eu des vrais patins de derby, ça aurait été très compliqué pour elle de lancer un Axel. Bon courage. Ouais. Hein. Mais là, on sait que son père, dans les épisodes précédents, avait bricolé ses patins de derby en ayant donc ajouté ses bottines d'artistique. Donc, c'est important de le préciser. Ouais, donc on va revenir à ce que tu disais, Cynthia. En fait, toi, c'est toi qui as fait cet Axel, mais tu l'as fait en roller en ligne, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que je savais pas, jeune, je savais le faire en roller quad, mais c'est vraiment pour m'amuser je faisais du roller en dehors du patinage artistique. Donc, aujourd'hui, professionnellement, je fais du roller inline. Je me suis mis donc en roller quad. Donc, si besoin, je pourrais refaire, moi ou ma sœur, cette scène en roller quad. Peut-être même en roller derby, soyons fous. Mais oui, donc je l'ai fait en roller inline. Pour moi, la difficulté, ça a été de longer le câble qui était au sol. Donc, il y avait le câble au sol que je devais longer, l'endroit de départ et d'arrivée. Pourquoi tu devais longer un câble au sol? Je sais pas, ils avaient fait une c'est normal avec un... Oui. En fait, c'est sous les scotchs des lignes de derby, on cale en général une grosse corde pour pouvoir sentir quand on a la roue qui sort de la piste. Parce que quand on a une roue qui sort de la piste, on fait une sortie de piste, on prend une pénalité si tu veux, et on peut même être envoyé en prison en fait. Donc c'était ce câble-là dont tu parles, Cynthia. Oui, c'est ça. Il fallait ça. D'accord. Un Axel, hein. C'est hyper facile, hein. On peut le faire même en dormant. Mais là, c'est devenu compliqué parce qu'il fallait longer le câble, respecter la zone de départ, la zone d'arrivée du saut, et sachant qu'il fallait que je saute avec toutes les patineuses qui étaient en place. C'est ça. Donc ça, c'était... Et puis, il faisait hyper chaud. Il faisait hyper chaud dans le gymnase. On était en plein été. Il faisait peut-être un 35 degrés dans le gymnase. Il faisait hyper chaud. Et pas beaucoup de possibilités. J'ai dû faire peut-être 3 ou 4 fois la scène. Et c'est tout parce qu'il faut être très, très performant, efficace quand on tourne. On n'a pas 50 chances. C'était la petite difficulté. J'avais peur un peu de blesser les patineuses de roller derby en temps de mouvement. Mais bon, elles en ont vu d'autres hein, dans l'épisode. Ça. Mais ils appellent ça un apex dans la série. C'est ça. Ouais. C'est pas un accès. Ouais. Mais oui, parce que j'ai regardé l'épisode où j'étais pour voir mon Axel. Parce que des fois, vous arrivez sur des projets, vous participez au projet et finalement, au montage final, vous n'y êtes pas. Ça arrive. C'est aussi bien d'y participer que de voir la finalité. Donc, j'étais contente. Et effectivement, j'ai pu voir un petit indice qui, je pense, seuls les spécialistes de patins ont remarqué au niveau des patins. Mais je pense que les spectateurs étaient concentrés sur l'action et qu'ils ont remarqué voilà, la chose. C'est ça. Alors, moi, je l'ai vu. Hein. J'ai vu les inlines. Mais parce que j'ai l'œil aussi. Parce que quand je vois quelqu'un sauter, je regarde les pieds. Je pense que toi, Cynthia, c'est pareil. Tu regardes les pieds quand tu regardes quelqu'un sauter. pas coupé mes pieds. J'ai pas compris. Mais j'ai montré, pour me rassurer, j'ai montré tout de suite l'épisode à mon père. Et il a rien capté qu'il y avait des rollers inline au pied. Donc, je me suis dit, ça passe. Voilà. Ça passe. Je pense effectivement pour quelqu'un qui regarde rapidement la série. Hein. La scène, elle va quand même assez vite. Si on te voit sur 3 plans différents, je crois, au moment de l'Axel. Moi, c'est ça qui m'a gêné, en fait, c'est qu'on te voit sur 3 plans différents, comme tu dis. C'est-à-dire qu'on voit pas l'Axel en une fois. Il a été coupé et recoupé, coupé plusieurs fois. Et je trouve que c'est super dommage parce qu'on a envie esthétique. De le voir en une fois. C'est un choix esthétique pour gagner du temps encore sur l'action et sur l'esthétisme du saut. Hein. Donc, c'est plutôt justifié hein, dans le patinage. Ouais. Moi, ça ne m'étonne pas. Après, c'est vrai que je comprends. Je comprends. Je trouve ça super dommage. Et donc, tu t'es échauffé avant de le faire ou comment ça s'est passé? Enfin, moi, c'est des petits détails techniques. Ah oui, alors moi, peu importe le projet auquel je participe, je m'échauffe toujours. Je ne fais rien sans m'échauffer. Oui. Que voilà, le corps, c'est son outil de travail et qu'on peut se blesser facilement. Donc, Tu as eu du temps pour t'échauffer ? Oui, bah, je suis arrivée en avance. Je suis arrivée en avance. On m'a. Alors, oui, bon, c'était un peu original parce qu'en fait, vu que cette année, je patinais sur Roxane au championnat de France en programme court en roller inline, j'avais décidé de me teindre les cheveux en rouge. Et comme n'ayant pas eu de suite, n'ayant pas été validée pour la partie de la glace, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas de tournage à faire, c'est les vacances, histoire de 2 mois, je me fais les cheveux en rouge. Et là, il me rappelle en me disant, bah, en fait, on veut que tu fasses la scène en roller. J'ai dit, ah oui, mais maintenant, j'ai les cheveux rouges. Donc voilà, je suis arrivée en avant, je me suis échauffée, on a fait les petits détails. Au niveau de la coiffure, pour donner des petits indices croustillants à ceux qui nous écoutent, du coup, j'avais les backstage, j'avais une laque. Vous savez, maintenant, vous avez des laques pour les cheveux blancs, donc j'ai acheté ces laques. Colorées, ouais. Oui. Après, on m'a mis avec des pinces deux nattes blondes, avec des pinces, le casque par-dessus, donc comme ça, on voit que du feu. C'est ça, l'avantage du casque dans le derby. On m'a même fait en fait le scotch rose sur le nez, on me l'a fait au pinceau et au maquillage. Et voilà, tout a été fait, les traits noirs, tout. Donc ouais, j'ai pris le temps de m'échauffer, on m'a bien pris en charge, c'était tout très et bien. C'était ma question, parce qu'en fait en patinage artistique vous entraînez toujours sans protection, et là ça a pas été trop dérangeant d'avoir des protections de tous les côtés pour faire ce saut? Alors moi, quand je suis passée de la glace au roller, hein, je vais être honnête, j'ai fait du roller avec des protections. Non, mais moi aussi, hein, je continue, hein, parce que quand on est vieux, ça fait mal. Moi plus. En fait, le sol est pas lisse. Non, mais en gros, il n'y a pas de... Quand on tombe sur de la glace ou sur du béton, quelque part, votre corps, il est habitué à tomber d'une certaine manière. Donc, tu ne vas pas te faire plus mal que ça, à moins vraiment d'une mauvaise chute. Mais là, peu importe où tu l'as fait. Hein. Et pour vous dire, ayant fait des vidéos sur Instagram pour Noël, j'ai pris une chute monumentale devant chez moi en roller en faisant rien du tout. Donc voilà. Mais c'est souvent les plus mauvaises, celles-là, d'ailleurs. bien traite. Donc, juste pour la transition, voilà, l'appréhension, voir comment j'allais tomber, le béton, parce qu'il y a plusieurs types de sol, il y a le parquet, le béton lissé, le liège, etc. Donc, voilà, mais une fois qu'on a pris la confiance, qu'on voit que c'est la même chose que sur la glace, qu'il y a un transfert qui se fait assez rapidement, bah, on a vite lâché les protections. Hein, donc voilà, bah, après, au niveau des protections sur le tournage, peut-être les genoux m'ont un peu gêné, mais en fait, on n'a pas tant. En gros, on n'a pas le choix. On vous donne votre tenue, on n'a pas le temps de dire ça me gêne, ça me gêne pas. On te dit, t'as 3-4 prises, tu fonces, quoi. T'es pas là à te dire, ah, ça me gêne, j'ai c'est trop ça. Ouais. C'est ça. Alors, oui, ça me gênait un peu, je m'en rappelle plus, mais ça me gênait un peu, je pense que des genoux, parce qu'ils ne devaient pas être à ma taille ou un truc dans le genre, mais. Voilà, ça pourrait être n'importe quoi. Mais en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que tu arrives sur des projets et on te fait faire des choses improbables. Comme dernièrement, avec ma sœur, on a patiné en roller quad dans le clip Get Lucky de Thomas Dutronc, qui est sorti en fin juillet, début août 2020. Et on nous a fait patiner avec des casques de moto. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais pouvoir patiner avec un casque, je ne vois pas rien. Et du coup, ces tournages vous enlèvent tous les petits trucs de princesse, de patineuse qu'on pourrait avoir, et vous rentrez dans le sujet, on ne se pose pas de questions, et c'est super formateur, c'est des expériences qui vous enrichissent. Et après, en fait, quand tu patines sans protection, sans casque de moto, tu te dis, ah, mais c'est facile, c'est la liberté, tout est simple, quoi. C'est top. Ah, c'est bien, ça fait penser aux entraînements dans les mangas où ils se mettent des poids sur eux pour se mettre des handicaps pour les entraînements, et puis quand ils arrivent au vrai match, ils enlèvent les poids et là Ils déchirent. Je rassure, dans le patinage, on le fait aussi. Hein. Moi, je vois dans mon club, on met des poids aux gamines hein, pour se tenir correctement, par exemple. Ah bah d'accord. Bah, on a des petites astuces de torture comme ça, des fois. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait du derby, au début, j'avais cette appréhension de « Oh là là, ça va me gêner, toutes ces protections. » Il y en a certaines qui m'ont gênée, mais aujourd'hui, ils en font quand même des super efficaces parce qu'on se met des grosses tatanes quand même dans le derby. Moi, voilà, ma pire chute, c'est je me suis ouverte le menton, mais il y a des filles qui se pètent les tibias en plein match, enfin des trucs un peu gore, quoi. Et effectivement, vaut mieux être protégé, avoir des protections pour le derby, parce que c'est quand même assez violent. Ça reste un sport de contact, hein, comme on l'a déjà dit. Donc, après, c'est vrai qu'en tant que patineuse artistique, on est habitué aux chutes. Hein, je veux dire, c'est un truc. Ça nous fait pas peur, on tombe, on se relève, quoi. Les mauvaises chutes, ça arrive, c'est sûr. Ça arrive à toutes les patineuses, je pense. Du moment où t'es un peu persévérant et où tu veux réussir quelque chose que tu maîtrises pas, tu te prends des chutes, c'est obligé. Après, je pense que le jour où j'essaye une initiation au roller derby, j'aurais tendance à venir en mode bonne Michelin. Ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais, c'est après... sûr que le derby, elles ont des bleus de folie aussi. Hein. Ouais, ouais. Alors moi, le truc qui m'a le plus gênée finalement dans le derby quand j'ai commencé, c'était pas les protections, hein, c'était les patins. Parce que les patins ne te tiennent pas les chevilles, hein, c'est des baskets très basses en fait. T'as les chevilles complètement dégagées en fait, et t'as des roues extrêmement larges. Donc quand tu te fais une entorse, tu te fais une vraie entorse là pour le coup. Mais parce que même, tu vois, par rapport aux patins qui sont utilisés dans ces épisodes, on l'a dit, c'était Impala, Rio, c'est des roues qui sont de largeur normale hein, pour les quads de loisirs, hein, mais les roues de roller derby sont deux fois plus larges, en fait. Donc, moi, au début, j'avais des roues, je ne sais pas, qui devaient faire peut-être... 6 ou 7 cm de large, quoi. Enfin, c'est énorme, tu vois, quand j'y pense. Et t'as une super stabilité, mais t'es gêné au niveau de ton agilité. Donc, c'est vrai que c'est pas agréable. Et puis, d'avoir cette sensation de cheville dégagée. Alors, psychologiquement, je mettais des guêtres pour avoir la cheville couverte, en fait, même si ça servait à rien, tu sais. Des petites guêtres en laine, comme on met sur la glace pour faire joli et pour tenir chaud. Mais. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé après, effectivement, pendant mes 2 années de derby. mais il y a des marques qui ont sorti des bottines un peu plus montantes. Je crois que c'était Atom qui avait fait des bottines montantes, mais ils ont laissé tomber. Et finalement, les chaussures de derby sont toutes avec la cheville complètement dégagée. Un peu comme en vitesse, hein, d'ailleurs. En vitesse, les chaussures sont très basses. Voilà. Moi, j'ai une question plus technique. Alors, bon, je ne connais pas le milieu du derby. Hein. Là, sur le tournage, donc on a tourné ça en gymnase plat. Lorsque je suis allée voir ma copine à son match, c'était pareil, c'était un gymnase parquet plat. Mais ouais. Il me semble que j'ai regardé, alors c'est le film Bliss, je crois que c'est ça, hein, en roller. Elles sont sur piste incurvée. Ouais. Voilà. Que nous, en France, on a des pistes incurvées, des vraies pistes de derby. Non. Non, non, on n'en a pas. C'est aux États-Unis, il leur en reste quelques-unes, mais je t'avoue que ça reste quand même super rare, en fait. Hein. Elles ont quasiment toutes disparu. Donc, la plupart des matchs aujourd'hui se font sur des pistes plates, hein, comme dans Derby Girl, ouais. Ok. Ouais, ouais. Bah, étant donné que tu tournes que dans un sens, effectivement, d'avoir ces parois qui remontent dans le virage, ça aide pas mal pour prendre de la vitesse. Bah ouais, un peu comme les quand on veut tester une nouvelle voiture, hop, on va sur des grands circuits curvés. Bah ouais, mais du coup c'est ce qui m'a un peu déçu quand j'ai vu la série, elle y est pour rien, mais soit la série ou soit ma pote en compétition, je m'attendais vraiment à une vraie piste comme dans Bliss. Et du coup on perd le côté, ça enlève du charme quand même à la discipline. Ouais, c'est ça. Le vrai côté spectacle du roller derby, il n'y est pas forcément, effectivement. Ouais, mais bon, déjà qu'on a du mal à avoir des gymnases pour faire du roller parce qu'ils ont peur qu'on abîme le parquet. Les roues sont exactement faites uniquement et parfaitement pour ce sol. Alors, si on demande faire des pistes de derby, je crois que non, on peut en faire. Chaque sport, effectivement, a ses, assez contraintes. Hein. Le handball, eux, ils ont pas droit au gymnase parce qu'ils mettent de la magnésie sur leur main et ça colle partout, donc c'est interdit dans certains gymnases. Donc nous, on a le cas effectivement dans notre gymnase du handball qui mettent de leur colle partout, mais absolument partout. On en a sur les barrières, on en a sur le sol. Alors c'est une vraie galère parce que ça colle sur nos roues et du coup on a la saleté qui colle aussi sur nos roues. Enfin bref, en fait c'est nous qui sommes plus gênés et c'est eux qui dégradent davantage la salle. Donc c'est un vrai problème. Ouais. Ok, on va continuer. Donc après, on voit qu'au final, les cannibales licornes perdent, mais avec honneur, parce que le public va les acclamer. Tout à fait. Elles perdent qu'à un point d'écart après tout, hein. Et en plus, oui. C'est assez exceptionnel ce qu'elles ont réussi à faire, parce qu'elles ont réussi à rattraper peut-être, je sais pas, 200 points. En une mi-temps, alors que c'est le truc impossible, hein. Mais oui. Non, mais attends, il y a Lola quand même, s'il te plaît. Elle a tout fait, quoi. Enfin, mais voilà, Lola était là pour sauver la mise, effectivement, malgré son patinage. Pas ouf, hein, quand même, dans cette dernière scène. Je sais pas ce que tu en as pensé, Cynthia, à toi, en regardant justement les actions de patinage dans cette dernière partie. Oui, bah alors moi, je vais toujours regarder d'un œil professionnel. Malgré tout, sur le tournage, il y avait des bonnes patineuses dans le casting. Qui faisait partie. Donc après, est-ce que ça a été des directives, une volonté dans la réalisation de ralentir ou de pas trop prendre de vitesse, pas trop prendre de risques? Parce que je sais qu'il y a des filles qui ont fait du derby ou ont fait du roller artistique qui patinent bien. Donc oui, je l'ai remarqué dans les épisodes, notamment le dernier. Donc je pense que voilà, c'est peut-être une volonté, je sais pas, peut-être quelque chose technique ou voilà, peut-être contrôler mieux l'image à la caméra, limiter les chutes, les blessures, les risques, Bah, après, tu vois, sur de la prise d'élan sur des croisés, il y a pas trop de risques, quoi. Oui, mais voilà, oui, j'ai eu cette réflexion, mais j'ai vu des bonnes patineuses, donc je sais pas. Alors ouais, sur les actions, sur certains blocages, effectivement, c'était bien mis en scène et c'était assez juste à ce niveau-là. Moi, c'est vrai que là où j'ai été déçue, ben, c'était sur les dépassements de pas, qu'après au niveau du travail, du jeu de pied des jammers, où là, j'étais un peu plus déçue, quoi. Bah ouais, c'est-à-dire que moi, peu de temps avant, j'avais regardé Bliss. Ouais, voilà. Et dans Bliss, il y a de vraies belles actions de derby, j'ai trouvé. Ouais, ouais, ça patine vite, y a de l'action et tout. Après, bon, bah voilà, il y avait des patineuses de derby, des patineuses artistiques. Je sais pas ce qu'étaient les consignes. Mais moi, ce qui m'a déçue, enfin, pas déçue, mais ce qui m'a frustrée, c'est que en fait, elle ne gagne pas le match. Moi, je me suis dit, Lola revient, t'es au taquet, quoi. Lola revient, et les points remontent, tu dis, c'est bon, moi, en plus, j'ai fait mon apex, tu dis, c'est bon, tout est là pour qu'elle gagne le match. Et ouais, elle ne gagne pas le match. Donc bon, bah, on peut imaginer la suite, quoi. Voilà. C'est ça. Bah, c'est plutôt en cohérence, en fait, avec la série, puisque elle se retrouve de nouveau face à un échec, et c'est ça qui est important, parce qu'elle est face à un échec, mais elle n'est plus toute seule. Et c'est ça un peu la morale de l'histoire, c'est que elle va se confronter à son échec, mais en équipe. C'est-à-dire que voilà, elle a du soutien cette fois-ci, ce qu'elle n'avait pas jusque-là, en fait. Hein. Bah c'est ça en plus, et elle va encore être adulée parce que elle adore la conférence de, enfin elle était contente de faire une conférence de presse, d'être en première page des journaux, et là donc elle est adulée par le public et elle se rend compte que finalement c'est une partie qu'elle aimait bien, c'est que ça. Le public l'aime, quoi, hein, c'est voilà, ça. C'est ça, elle aime être aimée, c'est normal, hein. Je pense que tout le monde aime être dans ce cas-là. Tout le monde, oui. Mais effectivement... Elle va se rendre compte que c'est peut-être mieux que de gagner. C'est ça, c'est ce qui compte au final. Vu qu'elle a l'œil du tigre, peut-être pas à ce point-là, mais bon. Ben, on se doute qu'elle va pas tomber, elle va pas, pardon, laisser tomber l'équipe cette fois-ci, en tout cas. Donc, ouais. Oh là là là, on se doute de rien du tout. Attends, mais je sais pas du tout. Bon, ça reste Lola, voilà, c'est ça. Ça reste Lola, puis voilà. C'est un de ses traits de caractère, quoi, laisser tomber son équipe. C'est vrai. Même après avoir fait un pacte de sang, quand même. Tout à fait. Ouais. Et puis, donc, on arrive sur la toute dernière scène, là, où, donc, comme t'as écrit, on voit la bolchevique, la franco-russe, là, qui rentre, qui finalement va venir chez les Black Widows. C'est ça, qui se fait engager avec ses deux doigts qui lui restent, la pauvre. Oui, c'est bien drôle, là, on voit son gant. Ça va, ouais. Donc, ça annonce une deuxième saison, mais bon, pour ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent la série. C'est alors ça, il faut qu'elle ait un succès, effectivement. Donc, ouais. On ne sait pas j'espère trop ce qu'il en est. Que ça fera émulation, que le podcast fera écho, que les personnes qui ont écouté le premier épisode vont se mettre à la série et que les personnes qui ont regardé la série vont se mettre à écouter notre podcast aussi. Moi, voilà, j'ai la... Pardon ? Moi, j'ai la réponse à votre question. Ah, vas-y. Bah, nous dis rien. Bah, non, j'ai pas le droit de vous en parler, mais. Ah là là là là là. Bah oui, bah si tu nous en parles pas, c'est qu'il y a une deuxième saison qui est peut-être en préparation, effectivement. Voilà. Ça serait plutôt cohérent, mais nous verrons bien. Tu as été approché, j'ai l'impression. Pas spécialement. Okay. Mais en fait, non, mais. Ouais. Non, mais j'ai. Enfin voilà, toute l'équipe du tournage était top, ça s'est bien passé, moi ça m'a plu. Voilà, maintenant que je suis passée du côté obscur du roller quad, non, j'ai le roller dance et un peu d'artistique aussi, donc s'ils ont besoin de nouveaux doublages ou des choses plus techniques, bah ça sera avec plaisir, hein. Maintenant je connais l'équipe. Voilà, donc non, s'il y a besoin. C'est toujours des belles expériences et moi ça me fait plaisir quand mon sport il est mis en avant, mon sport ou une discipline qui englobe mon sport sont mis en avant, donc non. Tout à fait, et cette fois du coup on espère te voir faire un axel sur des quads. Ouais, il y aura peut-être pas des apex à chaque match pour gagner ou compter des points, mais non, qui sait. Peut-être un double Axel cette fois-ci. Alors, oui, mais en inline. Ah, ça y est, elle fait sa diva, elle impose ses trucs. Mais non, ouais, bah voilà, bon, on verra bien, vous verrez bien. Mais en tout cas, avec le confinement, je vous encourage à regarder les épisodes. D'ailleurs, c'est ma copine qui fait du roller derby qui m'a donné le lien pour pouvoir voir. Les épisodes, donc je trouve ça super que ça soit gratuit, que ça soit accessible, que ça soit des épisodes courts, franchement c'est top. C'est clair. Et je pense que ce sera diffusé un jour en deuxième partie de soirée sur une chaîne du groupe France Télévisions, enfin en tout cas je l'espère. Ouais, bon, c'est possible ça. Ouais. C'est bien, on est en train de faire leur promotion, la promotion de Derby Girl. Mais Cynthia, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs si on veut rentrer en contact avec toi? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube et maintenant TikTok. Dis donc. Ouais, on s'est mis à TikTok il n'y a pas longtemps. Donc par contre, on ne propose pas le même contenu puisque c'est quatre réseaux différents. Donc voilà, vous aurez des choses différentes. Donc vous pouvez nous suivre sur les quatre réseaux. Le nom c'est Sisters, Sisters avec un S, hein, Sisters Ice. Sisters parce qu'on patine entre sœurs et Ice parce qu'on vient de la glace. Donc voilà, vous nous retrouvez sur ces réseaux-là, il n'y a pas de souci, on vous répondra avec plaisir. Si vous avez des questions techniques, matérielles ou d'autres qui sont en rapport avec le patinage ou le roller, vous serez la bienvenue, on sera là pour vous répondre, pour vous aider. Eh bien, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter avant de conclure cet épisode ? Eh bien non, Philippe. Nous avons tout dit, je crois. Nous avons tout dit. Moi, j'étais très content, en tout cas, de faire ces épisodes avec toi, Priscilla. Puis, moi aussi. J'espère qu'on va pouvoir se relancer dans un projet de ce genre-là prochainement. Peut-être pour la saison 2, du coup. Hein. Et peut-être, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Et très bien. Donc, surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des dons. Moi, j'aime bien demander de l'argent. faire des dons sur le site de Roller en ligne. Via Tipeee ou via PayPal, Voilà, et puis surtout parler de cet épisode et du podcast à vos amis, à vos ennemis aussi, à vos ennemis préférés, aux Black Widows, à vos mères, à vos coachs, tout ça, vous leur faites écouter, et puis voilà. Donc c'était Balade Roller, le podcast de roller en ligne, à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.